À quoi bon les voleurs? Suite. Прослушайте текст и назовите причину, по которой господин Дюмонтье не захотел вызывать полицию. Monsieur Dumontier ne veut ni critiquer la logique de sa femme, ni quitter son lit. Il est très fatigué, épuisé. Il veut tout simplement dormir. Mais son épouse ne le laisse pas dormir. Elle continue à insister. Son mari comprend qu'elle ne le laissera pas du tout tranquille. Enfin, il se lève, met ses pantoufles et prend son fusil. Il descend doucement l'escalier. Très lentement, il avance vers le salon. Il ouvre la porte, mais reste prudent. Devant lui, il y a deux hommes. Ils mettent les instruments de musique de son fils dans de grands sacs. Le chien féroce, qui aboie toute la journée, dort tranquillement dans un fauteuil. Monsieur Dumontier les observe cacher ses affaires dans leur sac. Quand les voleurs aperçoivent enfin le propriétaire, le fusil à la main, ils ont très peur et se mettent à paniquer. Ils laissent tomber les sacs et lèvent les mains. Ils commencent à implorer le maître de maison. « Je vous en prie, monsieur, ne tirez pas, » dit le premier voleur. « Nous sommes des voleurs décents. Nous n'entrons que dans des maisons décentes, » dit l'autre voleur. « Silence !» crie monsieur Dumontier. « Ne dites pas de bêtises. Si vous ne voulez pas aller en prison, téléphonez à vos copains. Dites-leur de venir tout de suite avec un camion pour enlever le piano. Du reste, avant de sortir de ma maison, prenez aussi le téléphone et le chien. »